Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés à la question de Khalid qui demandait à Mohammed à quel endroit il étudiait en disant « Aïna tadrus ?» Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons donc analyser la réponse de Mohammed dans laquelle il indique à Khalid le nom de l'établissement dans lequel il étudie actuellement à l'université de Médine. Adrusu fi shu'bati al-lughati al-arabiyya. Dans cet échange, la réponse de Mohammed est donc composée d'un total de 5 termes. Elle commence par le verbe adrusu, conjugué à la première personne du singulier au temps de l'inaccompli, al-mudari', et qui signifie j'étudie. On trouve ensuite la particule fi, qui correspond en français aux prépositions à ou dans, suivi du nom shu'bati, qui signifie institut dans le contexte de l'université, mais qu'on peut aussi traduire par section ou division lorsqu'il est employé dans le contexte administratif. Ce nom est ensuite suivi du nom al-lughati, qui signifie langue, dans le sens d'une langue parlée par un groupe de personnes, comme l'arabe, le français ou l'anglais, suivi du nom al-arabiyyati, qui correspond à l'adjectif arabe. Traduite littéralement, la réponse de Mohammed signifie donc « j'étudie à l'Institut de langue arabe » et correspond donc exactement à son équivalent en français. Du point de vue grammatical, le nom « shu'bati » est précédé dans cette phrase par la préposition « fi » qui implique sa déclinaison au cas indirect « al-jar » et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Le nom shu'bati est ensuite annexé au nom al-lughati pour indiquer qu'il s'agit de l'institut de langue. Le nom al-lughati occupe donc ici la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, qui implique elle aussi sa déclinaison au cas indirect, al-jar, et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Notons au passage que le sens du nom shu'bati est défini puisqu'il s'agit de l'institut, mais qu'il n'est pas permis ici de lui ajouter la particule alif-lam de définition en raison de son annexion au nom al-lughati qui le suit. À la fin de cette phrase, le nom al-arabiyyati occupe quant à lui la fonction d'adjectif qualificatif, an-naht, dont le rôle consiste à identifier le nom al-lughati qui le précède à l'aide d'une de ses caractéristiques qui la distingue des autres langues. Comme nous l'avons observé précédemment, l'emploi de l'adjectif qualificatif, an-naht, obéit en arabe littéraire à un certain nombre de règles que nous avons commencé à étudier dans les cours précédents de cette série. Premièrement, l'adjectif qualificatif, an-naht, se place toujours après le nom qu'il qualifie, appelé en arabe al-man'out. Pour dire la langue arabe, on dira donc al-lughatul arabiyyatu. Deuxièmement, l'adjectif qualificatif s'accorde en déclinaison et en définition avec le nom qu'il qualifie. Sa déclinaison dépend donc du cas de déclinaison impliqué par la fonction occupée par le nom qu'il qualifie, et la présence ou l'absence de la particule alif-lam à son début dépend du caractère défini ou indéfini du nom qu'il qualifie. Pour dire le premier étage, on dira donc ad-dawrul awwalu. Et pour dire « au premier étage », on devra dire « fi dawril awwali ». Troisièmement, si on observe le nom « al-arabiyyati » dans la réponse de Mohammed, on constate que l'emploi de l'adjectif qualificatif « an-naht » est également soumis à une règle d'accord en genre avec le nom qu'il qualifie. En effet, lorsque le nom qualifié est de genre féminin, l'adjectif qui le qualifie s'accorde sous sa forme du féminin qui se construit dans la plupart des cas par l'ajout de la lettre ta marbouta à sa terminaison. Pour dire la langue arabe, on dira donc al-lughatul arabiyyatu. Dans la réponse de Mohammed, l'adjectif qualificatif al-arabiyyati s'accorde donc à la fois en genre, en déclinaison et en définition avec le nom al-lughati qu'il qualifie, et c'est la raison pour laquelle le nom al-arabiyyati débute lui aussi dans cette phrase par la particule alif lam de définition, qu'il se termine par la lettre ta marbouta qui marque le féminin, et qu'il est décliné au cas indirect, al-jar, est marqué à sa terminaison par la voyelle kasra. Dans la phrase adrusu fi shu'batil lughatil arabiyyati, nous avons donc un total de 3 noms qui sont considérés du point de vue de la déclinaison comme étant majrur, c'est-à-dire déclinés au cas indirect, en raison de leurs différentes positions ou fonctions grammaticales. Le nom shu'bati est en effet majrur, puisqu'il est précédé de la préposition fi, qui fait partie de la catégorie des particules du cas indirect, huruful jar. Le nom al-lughati est également majrur en raison de sa fonction d'annexant, mudafun ilayhi, du nom shu'bati qui le précède. Enfin, le nom al-arabiyyati est lui aussi majrur en raison de sa fonction d'adjectif qualificatif, an-naht, qui s'accorde en déclinaison avec le nom al-lughati qu'il qualifie. Avant de terminer ce cours, notons que ce sont les 3 seules situations dans lesquelles un nom peut être décliné au cas indirect en arabe littéraire. Voilà pour aujourd'hui. Ce 18e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, très prochainement avec le 19e cours, dans lequel nous continuerons l'étude des répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.